Cette scène se passe dans la journée du 4 décembre 1851, 48 heures après le coup d'État. Le jour commence à poindre et à éclairer faiblement l'intérieur de la maison de Sylvain. La couverture du lit des deux époux, qui n'a pas été défaite depuis la veille, est en plusieurs endroits tachée de sang, ainsi que le sont quelques chiffons dispersés çà et là sur le carreau. Le père Poirier, assis au coin du foyer, berce sur ses genoux le petit Dominique endormi. Les traits du vieillard sont profondément altérés, ses yeux rougis de larmes, qui de temps à autre coulent encore. Il prête parfois l'oreille du côté de la porte entr'ouverte. Presque au même instant, Pierre accourt du dehors et entre précipitamment. Les traits de l'enfant sont fatigués, abattus, ses yeux rougis par les larmes ainsi que ceux du vieillard. Pierre. Grand-père, grand-père, je viens de voir ma sœur au tournant de la route. Maman n'est pas loin. Le père Poirier. Mon Dieu, que va-t-elle m'apprendre? Mon fils, mon pauvre fils. Il sanglote. Pierre sanglotant aussi, joignant les mains. Ne pleure pas, grand-père, ne pleure pas. Il se jette au cou du vieillard. Le petit Dominique endormi s'agite, frissonne et murmure. J'ai froid, j'ai sommeil. Maman! Il fait encore quelques mouvements. Le père Poirier le berce de nouveau. L'enfant s'apaise. Marie, accourant, essoufflée. Voilà maman! Le père Poirier, avec angoisse. Et ton père, ton père? Marie, essuyant son visage baigné de sueur. Ah, je ne sais pas. Maman m'avait dit de faire le guet au dehors de la marnière où nous avons conduit papa. Et puis maman m'avait recommandé, lorsque je la verrais sortir, de ne pas l'attendre, de marcher bien loin devant elle, pour revenir l'avertir si je voyais des gendarmes. Mais je n'en ai pas vu. Le père Poirier, d'un ton déchirant. Jeanne n'a rien dit à sa fille. Sylvain est mort au fond de cette caverne. Pierre et Marie se jettent aux genoux du vieillard, et éplorés tendent vers lui les mains. Non, n'est-ce pas, grand-père, que papa n'est pas mort? Jeanne entre à ce moment. Elle est très pâle. Le bas de sa jupe et ses sabots sont couverts d'une boue crayeuse. Ses vêtements en désordre accusent son état de grossesse avancée. Ses beaux traits expriment un mélange de douleur profonde et de ferme résolution. À sa vue, le père Poirier se lève, tenant toujours le petit Dominique endormi, et s'écrie d'une voix palpitante. « Et Sylvain ?» Jeanne, brisée de fatigue, s'assied un moment. Le sang de sa blessure s'est arrêté. Il souffre moins. Je l'ai couché au fond de la marnière, sur un lit de bruyère que j'ai arraché. Le père Poirier, levant les yeux au ciel. Il vit, mon Dieu, il vit. Jeanne. Pourvu maintenant qu'on ne le découvre pas, nous sommes sauvés. Heureusement, la cachette est bonne. Elle se lève brusquement et regarde autour d'elle avec une sorte d'égarement. « Père, où sont mes enfants? Marie est-elle rentrée? Où sont mes enfants ?» Pierre et Marie, s'approchant. « Nous voilà, maman. » Jeanne. « Ah, cher petit, je ne vous voyais pas. » Elle les embrasse passionnément. « Je crois, Dieu me pardonne, que la tête me tourne. » Portant ses deux mains à son front. « Non, non, du calme, du courage. » J'en ai besoin. Le petit Dominique, tout à fait réveillé, s'échappe frissonnant des bras du vieillard. Maman, oh, j'ai bien froid, bien sommeil. Jeanne le prenant dans ses bras. Je vais te coucher, mon enfant, viens. Le père Poirier. Il pleurait tout seul dans son lit en appelant son frère et sa sœur. Je l'ai pris sur mes genoux et je l'ai bercé pour l'endormir. Jeanne entrant dans la chambre voisine, emportant l'enfant. « Merci, père. »« Ma petite Marie, allume vite du feu. Je vais faire la soupe pour tout le monde, comme à l'ordinaire. Ne nous étourdissons pas. » Pierre. « Mère, nous n'avons point faim ce matin. » Jeanne parlant dans la pièce voisine. « Il faut manger tout de même, mes enfants. Sans cela, on risque de s'affaiblir, de tomber malade. Il ne nous manquerait plus que ça. » À Dominique. Embrasse-moi, mon petit ange, et dors bien. Rentrant dans la chambre. Allons, Marie, dépêche-toi d'allumer le feu. Et toi, Pierre, va au puits chercher de l'eau. Elle prend la marmite de fonte qui pend et la crémaillère du foyer, pendant que Pierre et Marie exécutent activement les ordres qu'ils ont reçus. « Il faut manger la soupe, père, afin de conserver nos forces. »« L'âme, c'est pas le tout d'avoir du chagrin. Faut encore pouvoir le supporter. » Le père Poirier. « Mon Dieu, comment Sylvain, avec sa balle dans la cuisse, a-t-il fait pour se traîner jusqu'à la marnière ?» Jeanne, tout en s'occupant de préparer la soupe. « Mon pauvre homme s'appuyait sur ma fille et sur moi. Il s'arrêtait presque à chaque pas. Et quand il ne pouvait plus marcher, nous le portions, et sa cuisse blessée était soutenue par Marie. Je suis bien forte, mais en ce moment-là, voyez-vous, père, je me sentais 10 fois plus forte encore. » S'adressant à sa fille. « Marie, prends le pain dans la huche et donne-le-moi. » Au père Poirier. « Heureusement, il faisait clair de lune. Nous sommes arrivés à la marnière. J'ai laissé Sylvain sous un arbre à côté de Marie et je suis entré sous la voûte. Je m'étais muni d'une chandelle et je l'ai allumée. Il y avait une petite source au fond du souterrain. Au moins, Sylvain, qui se mourait de soif à cause de l'ardeur de la fièvre, ne manquerait pas d'eau. J'ai remonté, j'ai arraché des bruyères, j'en ai fait un lit bien épais à côté de la source. Marie m'a aidé à descendre son père dans cette cachette. Et puis, j'ai, par précaution, renvoyé ma fille faire le guet au dehors. J'ai lavé la blessure de Sylvain. La fraîcheur de l'eau a arrêté le sang. J'ai replacé et resserré les linges et les bandages. Il s'est trouvé soulagé. J'ai laissé près de lui le pain, la bouteille et le gobelet que j'avais emporté dans le panier. Alors, ses larmes coulent malgré ses efforts pour rester calme et vaquer aux soins de son ménage. Alors, j'ai embrassé mon pauvre homme. Je lui ai dit « Adieu ». Et lui, m'embrassant aussi, à chaque baiser, me disait « Tiens, voilà pour mon père. Tiens, voilà pour nos enfants. Courage, ne vous désespérez pas. Nous avons la loi pour nous. » Le père Poirier, avec angoisse. « Seul, blessé au fond de cette caverne, c'est pour en mourir. » Jeanne, essuyant ses larmes. « Pour en mourir? Il n'y aurait donc que les méchantes gens qui vivraient. Allons, père, du courage. Sylvain est bien caché. J'irai le voir toutes les nuits. Je lui mènerai nos enfants, chacun à leur tour. » Le père Poirier. « Mais vous êtes enceinte de 7 mois, pauvre femme. Ce n'est pas le courage qui vous manquera, c'est la force. » Jeanne. « C'est pour que nous ayons tous de la force qu'il faut se faire une raison et manger la soupe. Je ne connais que ça. Marie, donne-moi les pommes de terre. Et l'eau, où est-elle ? » Marie, attisant le feu. « Pierre est allé en chercher au puits. » Jeanne. « Comme il est longtemps revenir, va donc voir ce qu'il fait. » Pierre rentre avec épouvante. « Les gendarmes, maman, les gendarmes !» Jeanne, devenant livide. « Mon Dieu !» Pierre. « Je tirai de l'eau du puits, je les ai vus de loin. J'ai resté pour voir s'ils prenaient la route d'ici. » Avec terreur. « Ils viennent chercher papa pour le faire mourir. » Jeanne, au milieu de l'épouvante de sa famille, s'était lancée à la porte afin de s'assurer par elle-même de l'arrivée des gendarmes. Au bout de quelques instants, elle rentre d'abord éperdue. Puis reprenant son courage et sa présence d'esprit, elle s'écrie. « Mes enfants, courez vous mettre dans votre lit, faites semblant de dormir. Et s'il vous interroge sur votre papa, répondez toujours « Nous ne savons pas, nous ne savons rien. Vous m'entendez bien, il faudra répondre comme je vous dis. Sinon, c'est la mort de votre père. » Elle pousse Pierre et Marie dans la chambre voisine, ferme la porte et revient précipitamment près du vieillard. « Maintenant, ne perdons pas la tête. Ne nous effrayons pas. Ni vous, ni moi ne trahirons Sylvain. Et je réponds des enfants. » On entend au dehors le piétinement des chevaux et le bruit des sabres traînant sur la route. « Voilà les gendarmes. Je vais tremper la soupe comme si de rien n'était. » Jeanne, affectant un grand sang-froid, coupe des tranches de pain dans une écuelle. Le père Poirier. « Ah, quel bonheur si l'on voulait me prendre à la place de mon fils. » Le brigadier de gendarmerie, à haute voix en dehors de la maison. « Qu'un homme se place à cette fenêtre, et feu sur l'insurgé, s'il se sauve ou s'il résiste. Qu'un autre visite le fourni, l'étable et le grenier. Qu'un autre reste en faction à cette porte. » Le brigadier entre, le pistolet au poing. « Où est Sylvain Poirier ? Jeanne, coupant toujours son pain sans regarder le brigadier. Sylvain, il est au champ. Le brigadier. Hein? Sylvain est au champ? Il jette de côté et d'autre ses regards. Il remarque la couverture du lit tachée de sang et les chiffons ensanglantés et part sur le plancher. Il les ramasse et les met dans la main dont il tient son pistolet. Bon, frappant sur l'épaule de Jeanne, toujours occupée de couper son pain. Je vous ai demandé où était Sylvain Poirier. Jeanne. Eh bien quoi, il est au champ. Le père Poirier. Oui, il est à son ouvrage, on vous l'a déjà dit. Le brigadier. Nous allons savoir ça. Il va droit à la porte qui donne de la chambre où sont couchés les enfants, l'ouvre et regarde. Un gendarme entrant. « Brigadier, il n'y a personne, ni dans l'étable, ni dans le fourni, ni dans le grenier. » Le brigadier. « Fouillez cette chambre, fermez-en la porte sur vous et ne laissez pas sortir ces enfants. » Le gendarme entre dans la chambre et referme la porte. Le brigadier se baisse, regarde sous le lit, soulève la paillasse et le matelas, dérange le buffet et l'armoire, jette un coup d'œil dans l'intérieur du conduit de la cheminée, frappe ça et là les murailles avec la crosse de son pistolet afin de s'assurer qu'elle ne sonne pas le creux. Pendant le temps que durent ses recherches, le père Poirier s'écoute sur ses genoux, cache son visage entre ses mains. Jeanne, pour se donner une contenance, s'occupe de remettre en ordre le lit bouleversé par le brigadier qui achève ses investigations. Le brigadier à Jeanne. Vous êtes la femme de Sylvain Poirier? Jeanne. Oui. Le brigadier tirant de sa poche un portefeuille où il prend un papier. Écoutez bien la lecture de ce procès-verbal. Il lit. Ce jour du 3 décembre 1851, à 8 heures du matin, le nommé Sylvain Poirier, à la tête d'une bande de pillards et d'assassins, armés les uns de fusils, les autres de fourches et de bâtons, s'est présenté à la grille du pont d'Orléans, gardée par la troupe de ligne. « Qui vive ? » a crié le factionnaire. Républicain, défenseur de la Constitution, a répondu un nommé Petit-Jean, aussi armé d'un fusil. Et il a ajouté, soldats, nos frères, joignez-vous à nous pour la défense de la loi. À ces dégoûtantes invectives, l'officier du poste a répondu intrépidement à ses pillards, bas les armes, tas de brigands, ou je fais feu. Au nom de la loi, soldats, nos frères, a repris Sylvain Poirier, ouvrez vos rangs, refusez d'obéir à vos chefs, ils sont complices du coup d'État. Vous ne devez obéir qu'à la Constitution. Anjou, feu ! A répondu l'officier à ses pillards, à ses nouveaux Jacques, à ses partageux. La troupe a été admirable d'élan. Elle a tiré sur ce ramassis d'assassins, de pillards et d'incendiaires qui avaient violé les femmes tout le long de la route et insulté les églises en forçant les curés à leur verser à boire dans les calices sous peine de mort. 9 des insurgés sont tombés roides de mort. 7 autres blessés mortellement sont restés prisonniers. Les autres pillards assassins ont eu la férocité de riposter sur la troupe. 2 soldats ont été blessés, et après un engagement très vif à la baïonnette, où la troupe a été admirable d'énergie et de vigueur, les insurgés ont lâchement pris la fuite. On n'avait pas malheureusement de cavalerie pour les poursuivre. Le nommé Sylvain Poirier, depuis longtemps signalé pour ses opinions démagogiques et armé d'un fusil de chasse à 2 coups, a été remarqué comme l'un des plus acharnés de ces pillards, ainsi qu'un nommé Petit-Jean, colporteur de son métier. On a pu saisir ces 2 redoutables assassins, mais l'on a tout lieu d'espérer qu'ils sont gravement blessés et qu'ils ne peuvent tarder de tomber entre les mains de l'autorité. Le brigadier, après avoir lu. « Femme Sylvain Poirier, vous avez entendu ?» Jeanne, prenant des écuelles au buffet. « Tout ça ne me regarde pas. Je ne sais pas seulement ce que vous voulez dire. » Le brigadier. Je veux dire que Sylvain est revenu ici blessé. En voilà les preuves, montrant tour à tour les linges ensanglantés et la couverture du lit taché de sang. Vous savez où est caché votre mari? Jeanne, haussant les épaules. Mais puisqu'on vous a dit qu'il était au champ. Le brigadier. Vous vous moquez du monde. Un homme grièvement blessé ne va pas au champ. Répondez, où est Sylvain? Jeanne. D'abord, je ne le sais pas. « Et puis vous croyez que si je le savais, je vous le dirais? Laissez-moi donc tranquille. Tenez, vous me faites rire. » Elle continue de remettre en ordre les meubles dérangés par le brigadier. Le brigadier. « Très bien. » Il va ouvrir la porte où est entré un gendarme et lui dit. « Amenez les enfants. » La voix du gendarme, avec un léger accent d'intérêt. « Mais ils dorment, brigadier. » Le brigadier durement. « Allons, pas de réplique. Éveillez-les et amenez-les. » Le père Poirier bat à Jeanne avec épouvante. « Il va les interroger. Ils diront tout. » Jeanne bat. « Je réponds d'eux. » Le gendarme amène Pierre, Marie et le petit Dominique, qui, encore appesanti par le sommeil, se frotte les yeux. Jeanne court à lui, le prend dans ses bras, et jette un regard d'intelligence aux deux autres enfants. Ils comprennent la pensée de leur mère et lui répondent par un signe de tête inaperçu du brigadier. Le brigadier à Pierre et à Marie. Approchez. Un gendarme à part. Forcer des enfants à dénoncer leur père. Quel foutu métier nous faisons là. Le brigadier à Pierre et à Marie. Votre père est caché quelque part. Vous savez où il est? Marie. Nous ne savons pas. Pierre. Non, nous ne savons pas. Le brigadier avec bonhomie. Voyons, n'ayez pas peur, mes petits amis. Que diable, nous ne voulons pas lui faire du mal à votre papa. Pierre avec hésitation. Bien vrai? Marie tirant son frère par la manche de sa blouse. Tais-toi donc. Tais-toi donc. Au brigadier. Nous ne savons pas où est papa. Pierre. Mon Dieu, non. Le brigadier d'une voix menaçante. Vous êtes des menteurs. Et si vous ne dites pas où est votre père, je vais emmener votre mère en prison. Note de bas de page. Une personne digne de toute confiance nous a rapporté ce fait dont elle a été témoin dans le département des Pyrénées-Orientales. La femme d'un meunier, compromis dans l'insurrection, est arrêtée loin de son domicile. On la somme de déclarer où est caché son mari. Elle refuse de répondre. On l'emmène prisonnière. Cette femme allaitait un enfant de 6 mois. Elle demanda à aller chercher son enfant. « Les voisines en prendront soin. Marchez, » dit le préfet ou le sous-préfet. Notre mémoire nous fait défaut à ce sujet, mais c'était l'un ou l'autre de ces deux fonctionnaires. « Mais, » reprend la femme, « je nourris mon enfant. S'il ne me tète plus, mon lait me fera mal à moi. »« Tant mieux. Alors vous direz peut-être où se cache votre mari. » Textuel. Retour au texte. Pierre et Marie, effrayés, joignent les mains et s'écrient en sanglotant « Grâce pour maman, grâce !» Jeanne, avec angoisse et tenant Dominique dans ses bras « Oh, mes enfants, quand on devrait m'emmener en prison, répondez toujours de même. » Le brigadier à Jeanne « Alors je vous emmène, il faudra bien que vous parliez. Allons, marchons. » À ces mots, Pierre et Marie, de plus en plus effrayés, courent à leur mère et l'enlacent de leurs bras. Le père Poirier se lève et tout courbé s'avance vers le brigadier en disant « Il n'y a ici qu'une personne qui sache où est mon fils, et cette personne-là, c'est moi. » Le brigadier. « Eh bien, où est-il ? » Le père Poirier. « Vous me couperiez en morceaux, voyez-vous, que je ne vous le dirai point. Ainsi, emmenez-moi en prison, si vous voulez. Mais laissez Jeanne avec ses enfants, elle ne sait rien de rien de la cachette de son mari. » Le brigadier. Vous êtes un vieux finot, et moi aussi. À Jeanne. En route. Jeanne. Moi ? Haussant les épaules. Je vais laisser mes enfants à l'abandon, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes fou ? Le brigadier avec emportement. Mille tonnerres ! Si vous ne voulez pas marcher de bonne volonté, je vous fais mettre les menottes et attacher à la queue d'un cheval. Le père Poirier avec indignation. Est-il possible ? Mais regardez-la donc, mon Dieu, elle est enceinte. Elle doit accoucher dans 2 mois. Vous n'aurez pas le cœur de l'emmener en prison. Le brigadier frappant du pied. Alors qu'elle dise où est son mari, sinon les menottes et en route. Jeanne, calmant du geste et du regard les gémissements de ses enfants, en s'adressant au brigadier. Ah, tenez, je suis sûre qu'au fond vous n'êtes pas si méchant que vous en avez l'air. Vous êtes peut-être marié. Eh bien, voyons, soyez juste. Si votre femme était à ma place et qu'on lui dit de vous livrer, est-ce qu'elle n'aurait pas raison de tâcher de vous sauver ? Le brigadier avec impatience. Il ne s'agit pas de tout ça. J'ai ordre d'arrêter Sylvain et... Jeanne. À la bonne heure, mais vous n'avez pas l'ordre de m'arrêter, moi. Vous n'aurez pas cette méchanceté-là. Je ne me mêle pas de politique. Je vis dans mon ménage. J'élève mes enfants. Je prends soin du vieux grand-père. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent tous si vous m'emmenez ? Mon petit dernier n'a que 3 ans et demi. Tenez. montrant au brigadier, les yeux humides de larmes, espérant attendrir le soldat. « Regardez, n'est-ce pas qu'il a l'air bien chétif? Il a si grand besoin de moi. Si vous saviez, il faut toujours être autour de lui. Figurez-vous que la nuit, il ne veut guère dormir que dans mes bras. Et puis, c'est un peu d'eau sucrée qu'il faut lui donner, ou bien un petit morceau de guimauve pour ses dents, sans compter qu'il a la mauvaise habitude de toujours jouer avec le feu. Et un malheur est si vite arrivé, on ne peut pas le laisser seul un instant. Enfin, ça n'en finit pas. Aussi, comment voulez-vous que j'abandonne un enfant de cet âge-là? Soyez donc raisonnable. » Le brigadier affectant de nouveau un air de bonhomie. « Mais c'est vous, ma brave femme, qui n'êtes pas du tout raisonnable. J'ai des ordres, je les exécute, c'est ma consigne. » Faisant un signe de tête au petit Dominique qui lui sourit. « C'est qu'il est gentil tout plein, cet enfant. » Jeanne avec espoir. « N'est-ce pas? Et puis il a de si drôles de petites raisons pour son âge. » À Dominique. « Envoie un beau baiser au monsieur. » L'enfant obéit à sa mère. « Oh, c'est de tout cœur, allez. » Le brigadier. « Il est, ma foi, très gentil, très gentil. » Jeanne avec un élan de joie. « J'étais bien sûre que vous ne voudriez pas me séparer de lui ni de ses frères. » Le brigadier. « Parbleu, vous comprenez, ma brave femme, que je n'ai aucun intérêt à vous emmener, moi. Ainsi, voyons, là, avouez-moi tout bonnement où est Sylvain. Et tout est fini, je vous laisse avec vos enfants. Vous prétendez les aimer. Prouvez-le donc, en faisant ce qu'il faut pour rester avec eux. Sinon, je vous arrête. » Jeanne, avec un désespoir contenu, des larmes dans les yeux et dans la voix. « Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? Vous me dites, livrez-moi votre mari, vous restez avec vos enfants et tout est fini. Ça vous est bien facile à vous de dire, livrez-moi votre mari et tout est fini. Mais je ne peux pas le livrer, moi. Je ne peux pas. Abandonner mes enfants, est-ce que je le peux davantage? » Avec un accent déchirant. « Mon Dieu, comment voulez-vous qu'on choisisse entre son mari et ses enfants ?» Le brigadier reprenant sa figure menaçante. « Alors je choisis pour vous, car ça m'embête à la fin. » Un gendarme. « Apportez les menottes et en route. » « Allons. » Il prend Jeanne par le bras. « Marchons. » Pierre, épouvanté, se jette aux genoux du brigadier en joignant les mains. « Laissez-nous, maman, je vais vous dire où est mon père. » Jeanne dépose précipitamment le petit Dominique sur le lit, court à Pierre, le relève, le prend dans ses bras, lui met la main sur la bouche en s'écriant d'une voix palpitante de terreur. « Tais-toi, oh tais-toi !» Puis calmant son émotion. « n'ayez pas peur, mes enfants. Si l'on m'emmène ce matin, ce soir on me relâchera. » Le brigadier. « Comptez là-dessus. » Jeanne à ses enfants. « Ne le croyez pas, il veut vous faire peur. « Je suis sûr de ce que je vous dis. Ce soir, je reviendrai. » Le brigadier. « Ah bien oui, vous verrez. » Jeanne au brigadier, avec une poignante amertume. « Mes enfants me croiront, plutôt que vous, allez. » À Pierre, en l'embrassant. « Vois-tu, il veut t'effrayer, pour te faire livrer ton pauvre père, et le faire mourir. Tandis qu'à moi, on ne fera pas de mal, je t'en réponds. Tu sais que je ne t'ai jamais trompé, n'est-ce pas ? Ce soir ou demain, je reviendrai. Je te dis que j'en suis sûr. Ça n'est donc, mes enfants, qu'un jour, et au plus une nuit à passer sans moi. Est-ce que les jours de marché, quand je vais au bourg, vous ne restez pas toute la journée sans moi, avec le grand-père, hein ? » Pierre, sanglotant. « Hélas, mon Dieu, mais si tu ne reviens plus jamais, jamais ? » Marie, plus rassurée. « Mais si, mon frère, maman reviendra, puisqu'elle nous le promet. » Le brigadier. « Je vous dis que c'est fini. Vous ne reverrez plus votre mère. Voilà ce que vous gagnez à mentir. » Jeanne au brigadier. « Vous avez beau faire. Mes enfants ne livreront pas leur père. Mais vous êtes un bien méchant homme. » Au vieillard, qui est resté anéanti durant cette scène cruelle. « Adieu, bon vieux père. Je vous laisse les enfants. Vous veillerez sur eux. Marie, donne-moi ma mante. » « Allons, ne pleure pas, mon enfant. Sois raisonnable. Tu vas être pour aujourd'hui la petite maman de tes frères. Il y a dans la huche encore la moitié d'un grand pain, et sur le clayon deux fromages. Eh bien, soin du grand-père. Empêche Dominique de jouer avec le feu. N'oublie pas de traire notre vache à midi et ce soir, et de donner à manger à nos poules. Tiens tout bien propre dans la maison. » Et tout bas, sans être entendu. « Et à la nuit noire, va voir ton père. Ne lui dis pas comment emmener. il se ferait de la peine pour rien, puisque je serai revenu demain matin. Tout haut. N'oublie pas non plus de changer le linge de tes frères. C'est leur jour, et ce soir la soupe au lait du grand-père comme à l'ordinaire. Marie, sanglotant. Oui, oui, maman. Jeanne, au père Poirier. Il nous reste 4 écus de 100 sous. Vous savez où les trouver si vous avez besoin de quelque chose. Adieu, bon père. Elle embrasse le vieillard. Courage, nous nous reverrons bientôt. Adieu, mes enfants. Soyez raisonnables et ne vous désolez pas. Elle les embrasse passionnément, sans pouvoir retenir ses larmes. Puis, prenant entre ses bras le petit Dominique qui pleure en voyant pleurer son frère et sa sœur. Et toi, chérie, si tu me promets de ne pas jouer avec le feu, d'être sage et de bien obéir à ta sœur, je te rapporterai demain quelque chose de la ville. Entends-tu ? Le petit Dominique, souriant dans ses larmes. « Tu me rapporteras une belle petite charrette ?» Jeanne, étouffant ses pleurs. « Oui, une belle petite charrette, mais à condition que tu ne joueras pas avec le feu. » Le brigadier, avec impatience. « Cela va-t-il bientôt finir ? Allons en route !» Jeanne, s'enveloppant dans sa mante, dont elle abaisse le capuchon pour cacher ses larmes à ses enfants, dit au brigadier. « Je ne vous souhaite pas le mal que vous nous faites, allez !» Un gendarme, à part et les yeux humides, « Pauvre femme, quel foutu métier! Enfin, c'est la consigne !» Jeanne sort de sa maison. Le père Poirier s'approche d'un pas chancelant jusqu'à la porte, où Pierre et Marie, agenouillés, les mains jointes, suivent leur mère d'un dernier regard. Le brigadier remonte à cheval. Derrière viennent 2 gendarmes, au milieu desquels marche Jeanne. Elle se retourne pour faire de la main un dernier signe d'adieu à ses enfants. Derrière elle sont 4 autres gendarmes. On entend pendant quelque temps les pieds des chevaux résonner sur le pavé de la route. Puis un morne silence règne dans ces lieux écartés. Le père Poirier, rentrant dans la maison et joignant les mains, « Une femme grosse de 7 mois, faire une si longue route par un temps pareil, c'est pour en mourir ?» Pierre, à part, en sanglotant, « Maman ne reviendra plus. J'irai sans qu'on me voie dire à mon père qu'on l'a emmenée en prison. »